Conlambi Mythic Jeudi avec EDS. Point de vue sur les musiques actuelles de Martinique et de Guadeloupe. Premier dimanche de chaque mois sur Radio Fréquence Paris Pluriel, 16h-17h. Premier dimanche de chaque mois sur Fréquence Paris Pluriel, FPP, à partir de 16h. Conlambi Music Jeudi, c'est le panorama des musiques actuelles de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique. Nous sommes en mars et au micro aujourd'hui, c'est LAVWA. Dans la famille, Eugène Mona, je demande le fils, Max Mona, qui nous offre ce nouveau titre, La Rivière, enraciné dans la culture martiniquaise. Troisième extrait de son album Vérité. Le clip est sorti il y a quelques jours. Jetez-y un coup d'œil. Tout de suite, nous allons enjamber la Dominique pour atterrir en Guadeloupe avec Dimitri Paul, chanteur et beatboxer, qui nous propose son morceau S'annouveler avec un clip sorti à l'occasion de la Saint-Valentin, extrait du EP nommé À l'oreille. Ça, moi, t'es qu'avec un bébé. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. C'est vous, doudou. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Moi dégavé, c'est réel. Tum, tum, tum. Tum, tum, c'est tum. Vous, doudou. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Moi, car tum, tum, tum. Ou dévirer, moi, fais tum, tum, sentir tum, tout près, tum, tum, tout tum, près. Tum, en moi ni en l'amour, m'en mettez en patience pour vous. Patience pour vous. Patience pour vous. J'ai fait nous hack. On ka just fait moi fly. Venez moi pour nous pay touch the sky. L'envoi nous ke pi fort et ke de taille. Cher, cher. Oh, à moi ou c'est meilleur cadeau. L'envoi ou ka chaye et ve moi kon sa cadeau. Pas laisser yo mettre mes adans sa ki pata yo. Et de ska mele yo de tout sa ki pata yo. Nous prenons un bon wagon, nous n'est qu'à distancer yo. Pale yo ve pale, mais nous qu'à dispenser yo. Yo blessé, nous blessé, en nous pensé yo. Yeah, et nous qu'est fight, et nous qu'est fight, yeah. On nous livre bataille. Nous celles contre yo toutes ces petits détails. Serré mais en moins fort et ça qu'est. Même si nous contre obstacles, mais que j'ai fait nous hack. Ou ka just fait moi fly. Venez moi pour nous pay touch the sky. L'envoi nous ke pi fort et ke de taille. Yeah, yeah, yeah. Nous pas ka plaire peine en nous. Nous positif non, nous pas ka cracher en nous. Nous blessed, so blessed, puis c'est ça qui vient en nous. Entre fake and snitch, oui nous j'en fais en tout. C'est le médicament nous ni, prescription c'est l'amour. Nous ni force et volonté, et nous craque quoi en nous. Confiance et assurance, pour si c'est frais en nous. Yeah, et nous qui est tight, yeah. Nous livrer bataille, nous celles contre toutes ces petits détails. Serré mais en moins fort et ça qu'est. Même si nous contre obstacles, mais que j'ai fait nous hack. G-Scalp avec le remix acoustique de son titre présent sur la compilation Dawick, produite par Rilsi. Le single s'appelle Champ de bataille, part 2, deuxième partie, et dont le clip est également paru le 14 février dernier. On poursuit avec deux vétérans du reggae dancehall, Tiwoni et Daddy Mori, pour le titre La Dette, avec DJ Caprison à la prod. Nous estimons que la dette s'analyse d'abord du pas des origines. Les origines de la dette, please the fait. Hey, hey. Il parle de dette, mais c'est yo cadeau. C'est yo cadeau. L'ordre yo cadeau. Se fait ça passer pour des bons samarites. Et puis y'a toutes les richesses, le pétrole et les mines. L'ordre yo cadeau. Ils ne veulent pas voir l'Afrique se relever. Ils feront toujours tout pour nous rabaisser. L'ordre yo cadeau. Réparation de magie et des pour la tête et l'asservissement subi sous le fouet. L'ordre yo Babylone doit payer. Trop longtemps que ces païens viennent nous piller. Rendez-nous l'Afrique, on vous rend le CFA chez vous. Y'a pas donné de diamants, mais vous récoltez tous les gens. Hein. La carotte prend fin aujourd'hui, bande de bâtards. Le peuple va se relever, votre rêve se transforme en la dame figodon. Il pleut des bombes. Y'a des hommes qui coulent sur les mains des politiciens. Chaque seconde, chaque minute que Dieu fait, il y a un enfant qui tombe. n'arrive pas en escalier. C'est Dieu qui pardonne, on ne peut pas oublier. Je sais qu'un rival leur vaut pour tous ces crimes, ils vont payer. La terre meurt depuis des siècles, se fait plier. L'esclavage remplit leur caisse et leur banque de billets. J'entends mes ancêtres crier dans les cales de négrier. Aujourd'hui les chaînes sont dans la tête, elles ne sont plus oubliées. Si l'on de la réparation, ça ne peut plus la nier. C'était Ridla avec un morceau percutant qui mêle cette influence afro-trap, comme on la qualifie en France, et la musique carnavalesque de Guadeloupe, le Massa Saint-Jean, avec le son des conques de Lambi derrière, symbole de notre émission. C'est un bel exemple qui prouve que l'on peut faire du festif avec des paroles militantes. On va terminer la sélection du jour avec une petite session trap. On aura le rappeur martiniquais Yon avec le titre Stona, suivi de Blade Mickey, lui en provenance de Guadeloupe avec le titre Ancho. Ok, je sens ni la creepy, le temps est maussade. Sans qu'à chill pour un poco fuck down. En équipe avec tous mes geeks, là. Le genre de rasta hippie qui a porté lux, là. Autant d'être optimiste, mais moi check it love, ça. Moi d'être pessimiste, moi c'est juste un constat. Mais moi je relativise tant qu'elles ont le trust, moi. Et que je rentabilise le budget du rancard. Sois pas naïf comme Don Quichotte. Ici les keufs sont pas des funky cops. Et je m'enferme dans un coffee shop. On vient plus fort comme un piece au fort. Tiki boubou, en bison money. Dominer les gros c'est comme curie enculé. J'suis très loin d'avoir fini. J'viens tout juste commencer le go-hit, go-hit. Nigga, moi off-fly. Oh, j'apprends à fly, so high. J'les vois depuis le sky. L'ambition là se fait. Si on a tombé, tu sens la secousse. Les gueules non identifiés en sous-groupe. L'eau de vie traverse ton cou et ton pouce. Accélère, c'est l'explosion, le foubou. J'suis sonné, mon majeur, boubé, coucou. Frappe ton point G comme le point de boubou. Le membre s'allonge, il n'est pas tout mou. Écoute le discours d'un nouveau gourou. J'hérite d'un patrimoine musical. Soigne l'esprit d'une herbe médicinale. Chaman, chaman king. Honey, un sap qui a coupé clean. Prends mon pied pour en retirer l'épine. Monte sur le ring, nouveau style de fight, j'ai la combine. Flow en tout genre qui hante la compile. Stone alive comme les bédos, les tueries j'empile. Nigga, moi oh fly. Quand j'apprends fly, so high. Non, c'est criminalité. Fais la guerre, ils vont nous bon nous l'homme là, c'est ça, y'a ni qu'en finalité. Mais nous piquer fait la charité. L'église pas qu'à mendier, m'en est sa carandé. Nous qu'a fait les forces à bandier, même laisse à bandier. Je dis, je nous finis clarifier, c'est ténèbres. La signe qui pousse à nous TV être célèbre. Toujours gommé pour ça qui tonne nous couvrir nègre. Si nous reste red qu'on t'espé. Respect pas qu'à qui mendier. Et même si money c'est addiction, faut nous faire somme pour nous payer addition. La mission, on nous se rouvre notre tradition. Mais faut ni ambition, juste pas moyen m'en dégrandir. Qu'a fait ça que tiri. Joue bef pas qu'à mettre qui a dans ni chafoumi. Les répondait, grandiri. Qu'a fait ça que tiri. Joue bef pas qu'à mettre qui a dans ni chafoumi. Oui c'est hini pour nous winni nous. Nous plus solide, leur vrai nous solidaire. Nous capi qui faut qu'on foumi rouge. C'est là qui divise nous qui tini tout. Plus gros chef à secta yo qui tini sous. Et c'est pour soi yo nous capi ni fou. Nous kada copé chez nos quoi moun. Mais c'est le chaîne à nous tenir pour péter. C'est ta la qui rete puis en tête en nous. Tout est venu là. Nous tout est venu cop. Ni ça qui vle ni drogue. Mais pas ni yas c'est love. Nous tout est venu là. Ni ça qui vle ni cop. Ni d'autres qui vle ni drogue. Mais pas ni yas c'est love. encore. Fania c'est l'amour encore. Chaque semaine en forme, ils ont mis qui mort. Plein siré, la mort, blue. Plein siré, décolle, elle fait décolle. Lélé, ouais, lélé, en chore. Chaque semaine en forme, ils ont mis qui mort. Plein siré, la mort, blue. Plein siré, décolle, elle fait décolle. Lélé, et ouais, lélé. C'est rien qui ça nous a voyant télé. Là, c'est l'or et droit qui a mené devant l'école. On le jamais c'est les bras. C'est l'île, elle va comme 40 pieds. Qui est versé, les gars, y'a accéléré. Pour inquiéter, ouais, servir, qu'on s'y y'a t'es serena. Sérénité pérennisée. En place à l'aile, y'a fait périta. Nous péquer rivé. C'est nous toujours qu'à dire. C'est là qui pour agir, c'est l'État ou c'est l'Élysée. Depuis quelques années, on l'outil n'a mon pour la guerre. Just bon moyen pour la guerre. Pour nous périner, y'a méditer, etc. Plus méchant, là, ça m'en riche. Mais belle, enterrement, pas paradis. Belle fille qui peut empêcher maladie. Yo, que j'ai aussi, j'en ai agi. Plus méchant, là, ça m'en riche. Mais belle, enterrement, pas paradis. Belle fille qui peut empêcher maladie. Yo, que j'ai aussi, j'en ai agi. Toute l'argent, là, yo sale. Qu'a fait un bon moment, nous savent ça, mais nous obligés de faire, c'est ça qu'a divisé, nous pas ça pas valer, nous ça. Nous ça y qu'a fait, qu'on nous bat. C'est l'honneur, respect, courage, et l'homme ou la trop. C'était Bled Mickey avec Ancho, un titre sorti l'année dernière, mais qu'on n'avait pas encore diffusé sur Colombie Music jeudi. Et juste avant, c'était Stona, extrait du EP Sunset de l'artiste Yoon, titre que vous pouvez retrouver dans un clip assez original. Donc voilà pour la sélection du jour. Nous allons maintenant retrouver EDS pour présenter la grosse sortie de ce début d'année 2018. En effet, deux grands MC du hip-hop créole, Fola et Boogie Fly A, se sont réunis pour un projet commun dont ils vont nous parler. Ils ont pu répondre à quelques questions pour nous permettre de nous plonger dans l'esprit de cet opus, déjà un classique du genre, l'album Rété Dubout. Elle m'a dit non, non, contrôle sa destinée. Action et motivation sont comme des gestinés. Le stress s'agresse, faut pas se laisser miner. Atteindre le but fixé, j'y suis déterminé. Elle voit la Nino, contrôle sa destinée. Action et motivation sont comme des gestinés. Le stress agresse, faut pas se laisser miner. Atteindre le but fixé, j'y suis déterminé. Regarde, beaucoup de gens ont la rage. Mais quand elle explose, vaut mieux pas être dans les barrages. C'est dur du mat dans les embouteillages. On va tous au char. Bon, peu importe notre âge. Motivation pour franchir les barrages. Intérieur et extérieur. Déverrouillons le statut départemental. Il a troué notre économie comme de l'émental. Aucun contrôle sur les choses élémentaires. Les produits venus d'ailleurs et les barrières douanières. Tous les grands pays protègent leurs producteurs. Quand on en parle, on nous dit qu'on est rétrograde. La mondialisation n'a pas que des choses à offrir. S'il n'y a pas de limite, il y aura des cercueils à offrir. Avant d'en arriver là, les solutions existe, BTOM, un nouveau statut politique. Elle m'a dit non, non, contrôle sa destinée. Action et motivation sont comme des gestinés. Le stress s'agresse. Vous êtes dans l'émission Colombie Music jeudi de mars 2018 avec La Voix et moi-même EDS. Une fois n'est pas coutume, on va consacrer l'émission au hip-hop créole recevant Boogie et Fola. Boogie Fola, c'est Boogie Flaha, membre de Nek qui pas qu'a fait la fête, auteur de divers albums et cet album essentiel sorti l'an dernier, Rêve Évolution, qu'on a eu l'occasion, qu'on a eu le temps de jouer, de rejouer, d'interviewer Fola, membre du groupe Benaja, auteur de plusieurs albums avec son groupe, de plusieurs mixtapes et aussi de plusieurs livres, puisque monsieur est également auteur, écrivain. Ils ont réuni ces énergies venant pour l'un de Martinique, pour l'autre de Guadeloupe, dans un message commun qui se résume en un titre, un album à se procurer d'urgence, Rété Dubout. Un moral de guerrier, d'homme armé d'un bâton. Le combat contre le mois de mai n'était qu'un raconte. Elle m'a dit non, non, contrôle sa destinée. Action et motivation sont comme des gestinés. Le stress s'agresse, faut pas se laisser miner. Atteindre le but fixé, j'y suis déterminé. Elle voit la Nino, contrôle sa destinée. Action et motivation sont comme des gestinés. Le stress agresse, faut pas se laisser miner. Atteindre le but fixé, j'y suis déterminé. Vol bonne, ordonne à 8000. Boogie, Fola, sauf erreur de ma part, je ne vous ai entendu ensemble sur un titre que sur Eclipse Total de Red Zone en 1998. 20 ans après, vous sortez un album à deux. Petite question, People, quelle est votre histoire pour arriver à ce duo? Je te laisse répondre. En fait, au départ, c'est moi qui ai voulu fait un remix de El Madinino. J'ai présenté à Boogie en lui disant ben voilà, j'aurais vraiment aimé qu'on puisse refaire ce titre ensemble. Et je ne me rappelle plus, je crois que je lui ai proposé une instru, il m'a dit non, qu'il sentait autre chose. Pourquoi pas produire quelque chose quoi. Je lui ai dit pourquoi pas. Et donc, une fois qu'il avait produit le beat, on s'est retrouvés en studio. Et lors de cette session-là, je sais pas, il y avait quelque chose d'assez naturel qui coulait. C'était vraiment agréable, c'était stimulant. Et je crois que lors de la session, hein, je lui ai dit ben, pourquoi pas enregistrer d'autres titres ensemble quoi. Qu'est-ce que tu en penses? Et un peu nos frappes, il m'a répondu « Why not quoi ?» Et donc on a rebalancé notre session et le projet, le rapprochement musical pour le travail est né un peu comme ça quoi. C'est le souvenir que tu en gardes ? C'est ça ouais. C'était ouais, à propos de El Madinino, il y avait un autre morceau aussi sur un autre de tes projets au pays d'Aimé Césaire. Ouais. Ça, on avait travaillé ça quelques mois avant. Mm-hmm. Ouais, il y avait une bonne vibe aussi. Je me rappelle quand je suis sorti de cabine, on réécoutait, il y avait quelque chose de naturel quoi. Mm. Et on s'est dit, j'ai dit, mais Timal, pourquoi pas bosser d'autres morceaux? Et il m'a dit, pourquoi pas? Et très rapidement, il y a eu un petit lien où il m'a dit, bon, ben écoute là, les beats que j'ai, dis-moi. Et j'avais une grosse vibe, donc j'ai eu des idées, le refrain. On n'a pas trop perdu de temps. À chaque fois qu'on avait des trucs, on allait en studio jusqu'à ce qu'on ait un jour spécial où on était en studio quoi. Ça veut que ce jour-là, le lundi ou le vendredi, j'oublie. C'était le vendredi. Le vendredi ? Ouais. Ça veut que le vendredi, bon ben, il y a studio quoi. On descend et on travaille. Non, c'était bien bad. Rite de bout, rite en forme. Prends soin d'air pour nous périter fort. Rite de bout, rite en forme. Prends soin d'air pour nous périter fort. Fola, tu as une cadence de sortie assez folle avec tes mixtapes, sans parler de tes livres. Boogie, il y a 8 ans entre ton premier et ton deuxième album. Et là, juste un an après, cet album en duo. Ça m'amène à une chose qui m'a surpris quand j'ai su que vous prépariez un album à deux. L'opposition de style entre un Boogie à l'écriture ultra technique qui nécessite lecture ou multiples écoutes et un autre MC, Fola, qui privilégie la clarté et la transmission directe du message. Est-ce quelque chose que vous aviez en tête? Je sais pas, hein. Moi, on y fait bail là. Hein. On n'a pas catché les machins. Je dirais que c'est vrai que peut-être que le fait de rapper avec Fola a influencé ma façon de rapper sur cet album-là. Parce que je rappe différemment de sur mon album solo. En même temps, ça reste du Boogie. Parce que si tu écoutes mon premier album et le deuxième album, tu sens effectivement que, comme je dis dans un morceau, je suis assez versatile. J'aime expérimenter les flows et tout ça, donc c'était vraiment quelque chose de spontané, hein, de toute façon. On n'a pas... Je sais que de mon côté, j'ai fait comme d'habitude, de la même façon d'écrire, enfin de... Ouais, c'est ça. Bon, pour moi, c'est sûr que il y avait un côté spontané, mais dans ma tête, je me disais aussi, j'arrivais dans une arène, quoi. En tant qu'MC, tu vois, j'arrivais dans une arène, je savais que je rappais avec Boogie. Et je voulais pas me faire larguer, je voulais pas paraître ridicule. Je voulais être bon, quoi. Donc ça, déjà, ça me travaillait. Je me rappelle que l'un des premiers morceaux que j'ai écrit dans cet état d'esprit-là, c'était Rite du bout. Je l'ai écrit différemment, j'ai pas l'habitude de rapper comme ça, mais je l'ai écrit par rapport à comment est-ce que Boogie allait arriver. J'ai pas l'habitude de rapper comme ça, j'ai fait... Je rentre avec des sonorités dans les rimes, je me prends pas la tête avec ces trucs-là, quoi. Mm. Et je rentre en disant Rite bandé, mais t'es ta ok, fond, andé, si ou pas qu'attendé, ça corroque à mandé. Ça, c'est. Je savais que j'allais rapper avec toi, donc je suis arrivé, mais stylé, quoi. Je suis pas arrivé fainéant. Et tu vois, j'aurais pas fait ça ailleurs, mais je suis arrivé en mettant toutes les chances de mon côté, en étant stylé, en ayant un message. Et je sais que ça, je suis influencé par la petite compétition qui avait plus ou moins saine, quoi. On ne s'est jamais dit, ouais, j'ai mangé, etc. Non. Mais c'est sûr que ça m'a motivé. Après, ça a toujours été quelque chose où je me dis, ben, je vais rapper avec Boogie, il faut que je sois bon. Donc j'avais toujours ça dans un petit coin de ma tête. Voilà, allez, comment on va faire? Comment il va arriver? Moi, je veux arriver flamme. Mais en même temps, sans me prendre la tête, sans que ça soit quelque chose qui bloque mon processus. Mm-hmm. Hein, juste de l'autostimulation. Spontané, ouais. Oui, voilà, c'était de l'autostimulation. Quoi. Et c'était tant mieux. Ça m'a poussé simplement à travailler, à essayer des trucs que je n'aurais pas essayé si j'étais tout seul. Quoi. Ben en fait, moi j'avoue que j'avais pris l'habitude du temps avec les nègres qui pagaient à faire la fête. C'est vrai qu'il y avait cette dynamique-là, effectivement, à 8MC. Il y avait cette petite compétition entre nous, tu vois, puis matcher texte, puis faire phase, etc. Machin. Et j'avais pris l'habitude d'avoir cette dynamique en solo de moi contre moi, en fait. Mais j'avoue que le projet avec toi, Fola, ça m'a remis dans ce bain. J'aime beaucoup ça. Ça m'a mis dans une autre dynamique. Ça m'a poussé à... Ça m'a poussé dans mon écriture, en tout cas. Et tu sais, peut-être le côté productif que j'ai, c'est pas quelque chose que je calcule, hein, je travaille juste avec de la passion, mais je pense que c'est sûr que ça nous a aidé à aller vers les objectifs à moyen terme. Quoi. Ouais, ouais, tu ouais, sais, parce que cette habitude de faire et de pousser le projet jusqu'à ce qu'il sorte, je savais qu'une fois qu'on allait commencer, moi je voulais que ça puisse avancer. Donc peut-être cette mentalité-là du faire nous a aussi aidé. Ce que j'ai aimé aussi dans ce projet, c'est que j'arrivais à un moment où j'aspirais à arrêter de poser sur des beats américains ou des beats français. J'arrivais à un carrefour où je me disais, bon, je vais laisser tomber les mixtapes et là je veux entrer dans mon univers musical. Et notre collaboration m'a permis de m'émanciper à ce niveau-là, d'avoir vraiment une couleur de nous, avec des gros beats, mais de nous, pas des beats américains. Et je voulais de ça. J'avais déjà fait ça pendant 3-4 projets, j'en avais assez. Quoi. Et quand c'est arrivé, c'est ça que je te dis, c'est l'un des projets dont je suis le plus fier, hein, parce qu'il combine ma technicité en tant qu'MC, ma maturité, et en même temps l'univers musical bien de chez nous. Quoi. C'est ce que je trouve puissant. Vraiment. Prends soin d'air pour nous périter fort. Rester debout, rester en forme. Prends soin d'air pour nous périter fort. Rester debout. Et en même temps, entre Fola, tes mixtapes Respect, Freedom, etc. et Boogie, ton album Rêve Évolution, il y a un Larel, il y a un message, une mission où vous vous retrouvez et qui donne tout son sens à l'album Rété Dubout. Comment se passe la réalisation d'un album comme ça en termes d'émulation et à quel moment sentez-vous que vous formez un vrai duo? J'ai envie de dire, moi... J'ai toujours marché à la vibe et je pense que c'est la vibe qui nous a réunis, c'est la vibe qui fait qu'on travaille ensemble et tout est venu comme ça en fait, dans une logique. Il se trouve que bon, je fais des instrus, donc j'ai produit tous les instrus, Fola a choisi ce qui lui convenait. Je lui ai confié la responsabilité du choix des thèmes. Mais enfin, beaucoup de fin, il en laisse ça. Et on s'est accordé. Ça a été simple. Il n'y a pas vraiment eu de gros brainstorming, bagaille. C'était spontané, donc à la vibe, encore une fois. Et... Ouais, j'ai la même chose. Les messages sur WhatsApp. On commençait à un moment donné à fuser, il y a des petits automatismes qui se mettent en place, on se parle, Boogie m'envoie son texte. On n'a jamais communiqué autant. Avant, on se checkait comme ça de temps en temps, mais dans le processus de l'album, on communiquait beaucoup. C'est beaucoup de messages, on sent qu'il y a une connexion musicale et philosophique qui se met en place. Parce que je vois que nos messages sont particuliers, on a des réflexes. Notre manière de parler, lorsqu'on est en studio aussi, il y a quelque chose aussi. Toujours une bonne ambiance, une fraternité aussi. Fraternité en studio, on se stimule et quand on sort, on sent qu'on est content. Vraiment. Après, pour les messages, c'est vrai, bon, Boogie, c'est un MC qui a toujours eu du contenu. Et je parle de lui au Santac MC que j'ai regardé faire. Et créé alors que moi j'étais un MC en plein devenir, quoi. Tu vois, j'étais vraiment encore sur mes petites pattes à essayer d'imiter les uns et les autres, les Américains, Tupac. Et je vois Boogie dans sa manière de faire. Moi en tant que bébé MC, je le regarde. Et Donc moi je dis souvent que je suis issu de l'école ENEC, quoi. J'étais à cette école-là. C'est les gars avec les nouveaux griots. C'est les frères qui m'ont appris à faire du rap dans un esprit particulier, quoi, un esprit pour le pays, à partir de ce qu'on est. Ce que c'est que le hip-hop, j'ai appris ça d'eux, ça transpire d'eux, moi je les regarde faire. Donc il y a déjà une philosophie par rapport à l'approche du hip-hop qu'on partage, quoi. Même si on est de générations différentes, mais moi je grandis sous eux et voilà, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'on s'imbrique assez facilement. Mm-hmm. Et musicalement aussi, par rapport, j'ai l'impression qu'on est aussi deux types assez très, très conscients de notre héritage culturel, quoi. Mm. Dans les références, dans les choses que Boogie va dire, moi ce que je vais dire, on n'a pas parlé longtemps pour voir que politiquement et au niveau culturel, il y a des choses. Voilà, on est de Guadeloupe et de Nina, mais on se rejoint sur l'émancipation de nos gens, l'émancipation de notre pays, le respect de nos gens, tu vois. C'est ça. On se rejoint très vite sur ça et ça a coulé à ce niveau-là. Ouais, après, il y a un truc qui me marque aussi, c'est que l'aspect duo arrive aussi encore plus lors des passe-passe. Mm-hmm. J'ai des passe-passe en tête, je vois naître certains passe-passe qui me reviennent. Comment tu rentres, qu'est-ce que je dis, comment je rentre derrière. Il y en a qu'on a écrit à part l'un de l'autre, il y en a qui sont venus un peu plus en studio pour moi. Donc ouais, c'est ce que je dirais. Petit parallèle avec deux noms américains, même s'il ne s'agit pas de célébrer les héros des autres. Le titre « Rété Dubout » attaque l'album avec du concret sur la santé, le sport et l'alimentation. J'ai pensé au RBG Fit Club de Dead Prez. Un autre titre, « Naviguer », grosse réussite avec son flow qui s'adresse aux enfants et son refrain repris par tes filles, Fola, et même son beat dépouillé, je pense au « Icon » de Nas. Ce sont des références où vous vous retrouvez tous les deux ? Totalement. Totalement. Attends, c'est un hip-hop head, Edson. Ah oui. Tout de suite, il pense à Aken. Oui, oui. C'est un hip-hop head. Oui, oui. Je me rappelle ce que tu m'as dit. Qu'est-ce que tu m'as dit pour ce morceau-là ? Oui, pour ce morceau-là, oui, c'est parti de cette idée. J'avais envie de faire quelque chose dans le même esprit que Aken, en fait, de Nas, effectivement. Au départ, ça devait être ça aurait pu être un cover simplement, et puis finalement, AzMC, donc à matcher les X, donc voilà, on a fait notre propre truc dans le même, comme si c'est une continuité du morceau, on va dire. Et effectivement, l'esprit pour ce qui est de Rété Dubout, le RBG Fit Club, ouais, c'est dans la même ligne aussi. Ouais, ouais. Ouais, je dirais ça. Hein, quand Boogie m'a parlé du morceau, le beat de Naviguer, tout de suite, il avait les idées bien claires en tête, quoi. Il m'a dit, bon, je vois un truc un peu à la NAS, à Ken, quoi. Je dis, ah, ok, d'accord. Et j'ai gardé ça en tête. Et mes filles ont, voilà, je leur ai donné une place, elles ont fait ça agréablement. Mais c'est ce que Boogie avait en tête. Et on a grandi sur ça, et ce qui me fait voir que tu es un hip-hop head, puisque tu connais tes classiques, quoi. Donc c'est vraiment ça. Concernant RBG, Fit Club, je dois dire que Dead Press, c'est l'un des groupes qui m'a le plus influencé. L'album Let's Get Free, lorsqu'il sort, 99-2000, moi je suis en pleine mutation, quoi. Et c'est un album, l'un des albums qui m'a le plus marqué, quoi. Peut-être après, je sais pas moi, d'autres trucs, hein. Mais vraiment, cet album-là arrive à un carrefour, moi, en tant que jeune Guadeloupéen, et il me transcende, quoi. Mm. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai gardé cette attitude par rapport au rôle militant de la musique, au fait qu'on peut parler d'amour, qu'on peut parler de manger, de sport. Ça vient de DP, hein. Mm-hmm. Ça vient vraiment d'eux, ces types-là. Ils m'ont beaucoup influencé. Je pensais à autre chose. Ouais, la thématique. Mm. En fait, Boogie dit qu'il a été feignant. Il n'a pas été feignant, en fait, hein. Le gars, il a fait tous les instrus de A à Z. Moi, j'ai rien eu à faire. Donc, pour moi, c'était vraiment une partie de plaisir. Et ce que j'ai aimé, c'est que tu m'as laissé la liberté d'apporter. Moi, je ne voyais pas ça comme une contrainte. Je dis, oh, mais tu sais, il me fait confiance. Attends, il me fait confiance, quoi. Donc, je lui amène ça. Il me dit, bon, ok, on y va. Bon, j'ai aimé ce rôle-là, moi. Ah ouais, j'ai aimé ce rôle-là, savoir que, ben, tiens, tu me fais confiance, donc j'impulse le truc, je te propose, toi t'es ouvert, j'ai trouvé ça génial. Et c'était, je trouve que c'était une bonne répartition pour la réalisation de l'album. L'architecte musical est là d'un côté, et moi je vais apporter des idées de thématiques, et on travaille, on peut pas tout faire, et on sait bien séparer le travail. Ouais, c'est vrai. Non, c'est bien. Nous savons faire la fête, mais nous pas qu'à faire la fête. Savent les ancêtres qu'à veiller et pas flipper. Y'a qui bon bail qu'à arriver sur positiver. Bateau qui coulait. Boogie, parle-nous de la production musicale. aucune trace de Belle Boom Bap sur cet album, une production plus en retrait que sur son album solo et qui laisse respirer les flots et rend les messages plus directs. Et une vraie cohérence avec une touche caribéenne toujours subtile. Envie de changer ? Adaptation au style de Fola ? Je suis fondamentalement Belle Boom Bap, mais c'est vrai que je ne suis pas que ça non plus. Et c'est arrivé à une période effectivement où, comme on dit dans la musique c'est des notes, mais c'est aussi des silences, des respirations. Et c'est ce moment-là effectivement qui est arrivé. J'étais un changement dans ma vie professionnelle, personnelle et tout ça. Et donc je l'exprimais dans mes instrumentaux. J'ai fait une longue période où j'ai fait à peu près 300 instrus et c'est parmi les meilleurs qu'on a choisi. Et effectivement, je partais toujours de samples locaux, de la Caraïbe, enfin mes influences diverses, et toujours avec ma patte spéciale. Mais c'est vrai que là, comme c'était des instrus pas spécialement pour un projet vraiment spécial, je les ai travaillés au feeling en fait. C'était pas vraiment comme sur Rêve Evolution, ils sont Belle et Boom Bap, mais au départ ils étaient nus, on va dire, comme ceux de Rété Dubout. Et c'est au fil du temps, dans mes réflexions, quand je faisais un instru, puis après j'écoutais un morceau de Belay, je dis « Ah, ce chant-là irait bien dessus ». Ou bien tu vois, des trucs comme ça, c'est comme ça que ça s'est mis gagné en fait. Et pour Rété Dubout, non, c'était au feeling en fait. Et si tu écoutes bien ma musique, il y a effectivement cette vibe caribéenne et le petit bois est récurrent dans mon son, que ce soit dans mon flow, dans les charlets, dans la façon dont le beat va frapper, le petit bois et le tambour sont toujours là. Donc voilà. Et je me rappelle que c'est des beats que tu m'as proposés, il y en a que j'ai choisi, donc peut-être que voilà, moi je suis allé vers des instrus qui me parlaient. Tu as sûrement retravaillé pas mal. En tout cas, je me rappelle qu'il y a quand même une instru que tu as produite, toi. Tu m'as dit, tiens, il y a ça, c'est l'arme secrète. Oui. L'arme secrète. Je sais pas si tu l'avais déjà. Non, arme secrète, c'est la dynamique de l'album. On était dans l'album déjà. Enfin, pour nous, ça s'appelle arme secrète, mais le nom, c'est Relovution. Relovution et Black Love. Ouais, c'est un instru que j'ai composé quand on était déjà dans la dynamique de l'album. Cause Notre, il avait une autre figure au départ. Funk One. Ouais. Funk One. Ouais. Quand je te l'ai proposé, effectivement, il était plus simple. Et puis au fur et à mesure, j'ai fait des arrangements par rapport au flow, etc. Tout ça, j'ai mis des variantes et Et je trouve qu'il y a un travail que Boogie assez extraordinaire qu'il a fait, c'était de titrer les morceaux. Moi, en général, quand je travaille avec Café, c'est lui qui va faire peut-être l'ordre des chansons. Mmh. Il va faire l'ordre, moi, je ne m'occupe pas de ça, quoi. Je fais juste les morceaux. Mais cet aspect de donner des titres aux morceaux, c'est pas, je n'ai pas forcément toujours fait très attention à ça. Je donnais un titre qui me venait, quoi. Mmh. Mais il y a un vrai travail de titre. Et ça, je trouve ça assez extraordinaire. Bon, je ne sais pas toi comment tu as approché ça, mais tous les titres que tu as choisis, ils sont assez particuliers, ils sont forts, ils sont originaux. Et je me rappelle quand on travaillait sur un morceau qui s'appelait, il devait s'appeler, je ne sais pas, Garde la Passion, tu m'as dit, ben moi j'aime bien trouver les titres assez travaillés sur ça, et tu m'as proposé Maracuja, entre parenthèses, quelque chose d'autre. C'est assez intéressant comment tu approches le titrage de tes chansons, quoi. Ça, le choix des titres, ça vient de plusieurs choses. En fait, c'est notamment de la faute de Google. Quand tu tapes une recherche sur Google, si tu as un titre bateau, il y a 50 chansons qui vont apparaître avant qu'on voit la tienne. Si la tienne n'est pas consultée, il y a des chances que ce soit dans la 125e page, tu vois. Donc, j'aime bien déjà trouver des noms particuliers et puis ça personnalise encore plus le style de trouver, ça rejoint le créole en fait, la langue imagée. Donc Garde ta passion, la passion, fruit de la passion, maracuja, voilà quoi, c'est ça. Bon, je pense à des titres comme, ouais voilà, cause nôtre, Cause notre, oui, cause notre, c'est genre dans l'esprit Cosa Nostra. Mafia nous. Ah, l'esprit de clan là, quoi. Notre cause à nous, quoi. Our gang. Oh yeah, ouais, c'est ça. I love this. On veut élargir l'horizon de nos gens d'ici à Sydney. Tandis que toi, tu fais dans l'illusion comme Walt Disney. On enlève les artifices sauf quand le feu est lyrical. Comme FD, mon frère, le son est phénoménal. T'es pas Kevin Costner, ne danse pas avec les loups. Vous connaissez tous les deux le travail de groupe et on sent une énergie, une motivation particulière dans cette nouvelle collaboration. Le titre « Omniprésent » symbolise bien ça. Dans ce rap, que je qualifierais de « positif pour aller vite », vous êtes parmi les plus actifs pour vos îles respectives. La motivation, l'inspiration sont-elles jamais une préoccupation dans vos parcours? Oui, c'est garder la motivation, trouver l'inspiration. C'est vrai que, en même temps, il y a tellement de choses à dire sur ce qu'on vit, ce qu'on voit tous les jours. Après, c'est la façon de l'aborder, de le présenter. Et la motivation, c'est vrai que la motivation, en tant qu'artiste solo, c'est vrai que c'est chaud des fois de la trouver. Surtout quand tu vois que par rapport aux choix musicaux, aux choix artistiques que tu fais, bon, c'est pas toujours plébiscité ou mis en avant. Donc, c'est vrai que la motivation, faut la trouver. Donc, c'est vraiment un travail intérieur. C'est pour ça que j'avais appelé mon premier album comme ça, tu vois. C'est vraiment ça, quoi. Hier encore, Crimi me disait, ouais, comment tu fais, bagaille, pour trouver ses inspirations, pour trouver l'énergie de ça. J'avoue que c'est quasi maladif chez moi, c'est une obsession, en fait. Une obsession, déjà, quand j'écoute mes morceaux, je me dis, putain, celui-là, il est bad, mais faut que je fasse encore plus bad encore, tu vois, ou bien j'entends un son américain, je me dis putain, c'est moi qui aurais dû faire cet instru. Donc direct derrière, j'enclenche, tu vois, il y a des trucs comme ça. Et c'est fort. On se dit qu'on peut encore donner des choses, tu vois, donc tant qu'on a la force de le faire, on le fait. Hein. Ah oui, mais idem pour moi. Hein. Je trouve ça bien que ça soit deux MC des deux îles, moi de Guada, mais vivant ici à Nina, et Boogie ici de Mada, c'est bien, je trouve que c'est un beau message. Tu vois qu'on arrive à s'allier sur un projet rap, les enfants des deux enfants des deux îles, je trouve ça beau déjà. Et puis la motivation, oui, j'essaie de la garder. J'essaie maintenant de ne plus créer avec de trop grosses attentes, ne plus trop créer avec de l'attente à me dire que ouais, moi quand j'en vais sortir, ça va tout péter. Non, j'essaie de me faire plaisir. Et en créant cet album, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. À aller en studio, à savoir que ben, on était dans cette dynamique. C'était quelque chose qui m'aidait à être un petit peu plus heureux dans la vie de tous les jours. Quoi. Savoir que j'avais ce projet-là qui allait arriver, ça apportait de la joie chez moi. Donc ça me motivait. Et puis je pense qu'on s'est motivé aussi. Boogie m'a motivé dans le sens où ben voilà, il apportait toute cette architecture musicale. Et je pense l'avoir motivé aussi dans le fait de créer ce projet et puis à aller au-devant des gens avec quelque chose. Quoi. Ouais. On s'est vraiment motivé mutuellement comme ça. Après l'inspiration aussi, je me dis que c'est une bonne chose parce que peut-être personne d'autre n'aurait pu faire cet album-là qu'on a fait ensemble. Je dis personne d'autre, je m'entends, c'est-à-dire le timing, cette combinaison, la musique, l'état d'esprit, aujourd'hui en Martinique. Nous sommes une espèce de génération qui a connu certaines choses. Lyrical était un type vraiment inspirant et motivant. Quand je dis était, c'est-à-dire que quand il était ici, hein, c'est quelqu'un qui impulsait les choses ici. Ouais. Et j'ai grandi avec ça aussi dans ma tête. Donc c'est un peu cette école-là. Et je pense que c'était à notre tour de dire les choses qu'on a dites là, je ne les entends pas à d'autres endroits. Il y a des choses qu'on a évoquées et qui, à mon avis, méritent d'être dites. Et qui d'autre que nous? Et entendu surtout. Et absolument. Et entendu pour les temps qu'on vit là, absolument. Je me rappelle l'idée du titre, enfin, de comment est-ce que ça allait être, cet esprit de combat-là. Je me rappelle que ça m'est venu. C'est une soirée Belay qui avait à Fort-de-France sous le marché. Il y avait une soirée là. Et moi, je lis les panneaux, je lis un peu, il y a de l'histoire, de la musique, comment, pourquoi. Je m'en rappelle, j'ai changé quelques SMS secteurs, j'ai dit, mais faut que ça soit un album de combat. Faut que ça soit un album de combat, quelque chose mais qui est inspiré un peu de cet esprit-là, quoi. Et l'été de beauté est arrivé. Non, c'est bien, je suis content, nos gens ont besoin justement de ça, quoi, d'être motivés par cet esprit, la dignité, rester debout, de ne pas coucher nous devant ça, qu'à embêter nous, quoi. Exact. Que nous sommes qu'on des sosies. Tout n'est qu'on des tout puissants, jamais mandé pour qui. Parole à l'éternel, c'est toujours un bon outil. En grandit, ça fouille qu'il n'y a pas ça qui en toujours dit. Boogie, est-ce qu'à son gelé en tes pigeons, un petit couillon qui part et connaît. Les termes conscients, militants sont galvaudés, mais le titre de l'album, Rété Dubout, et la pochette ne permettent pas le doute. On est face à un album vertical, un véritable album. Le morceau final, Zombie, ponctue bien le tout. Face à un public qui consomme beaucoup la musique, le rap en particulier, en mode zombie, quels sont les espaces d'expression pour votre musique aujourd'hui? Je crois que tout est à faire. Ouais. Là, on est en train de vraiment expérimenter comment amener cette musique dans les oreilles de nos gens. Et tout est à faire, donc c'est sûr que Internet est un espace. Certains médias classiques ici sont des espaces, je pense aux radios, à certaines télés locales. Maintenant, tout est à faire. La scène aussi est un espace où amener notre musique. Mettre notre musique en image, ça veut dire sortir pas mal de clips vidéo. Maintenant, c'est comme ça. Ça aussi, c'est un espace. Mais vraiment, tout est à faire. Toi, l'émission d'Edson. Mais encore une fois, tout est à faire. Il faut qu'on se batte pour que cet album-là ne soit pas un album mort-né, quoi. Ouais, sort juste, on est satisfait, on est content. Mais il ne va pas jusqu'au bout, il n'arrive pas là où il doit arriver, quoi. C'est ce que ça m'a inspiré. Exact. C'est travailler la carrette. Ouais, Zombie, c'est ça la dernière fois, ce Zombie. Là encore, attends, tu sais, là encore, j'ai rappé, mais j'ai rappé parce que je savais que Boogie, j'allais rapper avec Boogie, mais faut que j'aille me t'aider, quoi. J'aille, hey, yo, Fola, Boogie, Boogie. J'ai rappé comme ça. C'est l'un des premiers morceaux qu'on a créé, l'an dernier, mais je crois que c'est l'un des premiers morceaux, hein. Je crois que c'est parmi les premiers. C'est parmi les premiers morceaux qu'on crée, l'an dernier sur l'album. Ouais, cet esprit-là qui essaie de faire de nous des machines. Et c'est un texte que j'avais déjà à l'époque de mon deuxième album aussi. Sérieux, gars? Ouais. Oh, mais t'as vu comment est-ce qu'il est... Il fait corps avec l'esprit du son. Ah ouais, fort. Je me rappelle d'un moment dans un couplet, je dis « Hey yo, Boogie, est-ce qu'à son gelé en t'épigène, en petit couillon qui pas te connaître la vie ?» Et cette rime-là, elle me vient... Parce que je revois encore nos interactions où je suis vraiment plus jeune, je suis un petit peu con, quoi. Je suis un petit peu con, un peu ténébreux, quoi. Je suis en train de me faire, tu vois, en tant que jeune, quoi. Et je revois nos échanges sur le parking, là, sur le campus où je te parle. Mais toi, t'es déjà plus ou moins mature, tu vois. Et c'est beau de nous voir réunis comme ça, 20 ans après, à tenir un album comme ça. Ça bat, frère. Ouais, ça bat. Voilà, vous venez d'entendre Ogifla A et Fola pour présenter leur album Rété Dubout. Vous pouvez retrouver ce projet sur leur page Bandcamp. C'est boogiefola.bandcamp.com. Sinon, vous allez sur les réseaux. De notre côté, nous vous disons à la prochaine. Ce sera le 8 avril prochain, exceptionnellement. Donc, ce sera le deuxième dimanche du mois d'avril. À très bientôt et tchambé.